Yuma, chapitre 9. C'est une côte étrange que celle où s'ouvre la vallée d'anse marine. C'est une côte de caps fantastiques et de rochers aux appellations sinistres, où le nom du diable revient souvent. Les hautes falaises sont composées de minerais de fer noir, mais elles sont tapissées d'innombrables plantes grimpantes. Partout, des lianes pendent et rejoignent la frange de patates beau lanmé, la vigne de mer d'un vert éclatant qui se traîne sur le sable noir, pareil à du jet en poudre. Et les vagues sont très longues et très lourdes. Elles déferlent avec un fracas assourdissant et lancent des jets fantastiques d'écume, pareils à des mains qui s'agitent. Ici, la mer n'est jamais calme. Au nord et au sud, les falaises apparaissent toujours à travers un voile d'embrun tiède qui s'élève vers le soleil comme des fumées. Une légende créole assure qu'il n'en était pas ainsi autrefois. Mais un jour, un prêtre, dont les pêcheurs se moquaient, secoua sa soutane noire au-dessus de la mer et la maudit en la condamnant à l'agitation éternelle. Et les barques de pêche et les filets étendus pour sécher sur le sable pourrirent pendant que les hommes attendaient vainement que la mer s'apaisât. Pendant toute l'année, la ligne d'écume ne disparaît point. Elle s'élargit ou se rétrécit, suivant que les brisants deviennent plus ou moins dangereux sous la pression des vents étésiens. Parfois l'écume franchit l'embouchure des rivières. Parfois elle bondit jusqu'au sommet des falaises et fait trembler tout le pays, bien que la brise soit à peine perceptible et qu'il n'y ait pas un nuage dans le ciel. Et alors on voit qu'au large, jusqu'à l'horizon, la mer est bleue comme du lapis-lazuli et polie comme un miroir. Le tonnerre et l'écume ne s'étendent pas au-delà de la côte. C'est un raz de marée, c'est la mer qui se balance du fond. Ce spectacle durera peut-être 2 ou 3 jours. Puis il cessera, aussi mystérieusement qu'il a commencé. Pour le travailleur des plantations de l'Est, cette mer sauvage était la seule barrière entre l'esclavage et la liberté. Il n'y avait guère de bateaux sur cette côte. Au nord de la Trinité, il y avait peu d'endroits d'où une barque pût être lancée sans danger. Mais anse marine possédait une sorte de crique naturelle, abritée par un promontoire qui avançait dans l'eau profonde, à l'extrémité sud de l'ouverture de la vallée et qui se recourbait de façon à s'opposer au vent. C'était de là qu'on lançait le gommier au son du tambour. Il y avait également dans un hangar un petit bateau. C'était la barque privée de Monsieur Desrivières et elle sortait rarement. Et Gabriel savait fort bien la manœuvrer. Bien avant l'heure indiquée, Yuma conduisit Mayotte jusqu'à la plage. La grande chaleur de la journée était tombée et les falaises projetaient leurs ombres denses sur le sable. C'était un grand plaisir pour l'enfant de faire une promenade sur cette côte. Il n'y avait pas de jolis coquillages comme ceux que rejette la marée à la grosse roche à Saint-Pierre, et les vagues étaient trop fortes pour qu'elle pût y faire la trempette comme elle l'aurait voulu. Mais c'était une joie de voir les brisants s'écrouler et briller. Et puis le sable noir était tout rempli de drôles de petits crabes jaunes, aux pattes poilues, des gardons de mer, des savets lilanés, qui se servent de leur queue comme de bêche pour creuser le sable. Et parfois on rencontrait une toute petite tortue, à peine sortie de l'œuf, qui se dirigeait vers l'eau. Bientôt les enfants de la plantation arrivèrent, noirs et jaunes, bruns et rouges, sous la surveillance de Zoun et de Gambi, les filles de Tanga. Ils venaient assister à la sortie du gommier. Zoun et Gambi ne permettaient pas aux tout-petits de s'avancer trop loin dans la mer par crainte d'accident. Mais ils avaient le droit de s'en donner à cœur joie sur le bord des vagues. Ils criaient et sautaient tous ensemble chaque fois qu'une grande vague s'effondrait sur le sable en tourbillonnant autour de leurs petits pieds nus. Ensuite, les chariots apparurent, remontant la route des falaises, portant leurs charges de rhum et de sucre. Les mulets avaient peine à avancer, tout forts et gros qu'ils fussent. Yuma entendit Gabriel qui les encourageait de la voix et qui aidait les conducteurs. Puis un adolescent brun et mince, nu comme un bronze, parut à cheval sans selle. Il se dirigeait vers la plage au galop. C'était le petit groom de l'intendant qui allait faire baigner le cheval de celui-ci dans les brisants. L'adolescent n'était guère plus qu'un enfant, et l'animal, un étalon noir de Porto Rico, était très vif. Mais ils se connaissaient bien tous les deux. Lorsque le cheval eut de l'eau jusqu'aux genoux, le garçon sauta dans la mer et se mit à laver l'animal. Puis un immense brisant déferla et les cacha presque tous deux à la vue, dans un drap laineux d'écume frissonnante. Le cheval parut y prendre plaisir, il ne bougea pas. Et il n'y avait rien à craindre pour l'enfant qui savait nager comme un couliou. Il fit des gambades autour de l'animal, il le caressa, lui serra le cou, l'inonda d'eau. Et quand il voyait venir une grosse vague, il s'accrochait à la crinière de l'étalon. « Yokale, yokale !» crièrent enfin les enfants, comme un roulement de tambour vibrait de la crique d'où on lançait le gommier. La cargaison était à bord. Les hommes de l'équipage étaient chacun à sa place et le tambourier était assis sur sa perche. C'était le signal du lâcher-tout. Tout le monde se tourna pour voir le gommier glisser à l'eau. Et tout le monde poussa un cri en le voyant toucher la mer, plonger, retrouver son équilibre dès le premier coup de rame et commencer son voyage au rythme entraînant de Madame les habitants. Les enfants interrompirent leur jeu pour le regarder s'éloigner. Du haut des falaises retentirent des applaudissements, des rires de femmes, des cris joyeux d'adieux, tandis que la longue embarcation filait vers le large. Enfin, le chant des marins se perdit dans le bruit des brisants et leurs visages s'effacèrent. Bientôt le gommier contourna la longue pointe de terre du promontoire et disparut, se dirigeant vers le sud. Le grand événement de la journée était terminé. Les filles de Tanga réunirent leurs petits troupeaux et quittèrent la plage. Le garçon sauta sur le dos de l'étalon et lui fit faire demi-tour. Et tous deux, brillant comme un groupe en métal, remontèrent la vallée au galop pour se sécher au soleil et au vent. Les curieux disparurent des falaises. Les chariots vides regagnèrent pesamment la plantation. Mais Yuma s'attardait toujours à la grande satisfaction de Mayotte. L'enfant avait trouvé une noix de coco vide, recroquevillée, noircie par un long séjour dans la mer. Elle s'amusait à faire rouler cette noix dans les vagues qui la rejetaient toujours à quelque distance de l'endroit où elle l'avait lancée. Et ce jeu l'amusait si fort qu'elle ne remarqua pas Gabriel qui accourait. Mais Yuma se porta à la rencontre du commandeur. « Doudou moins, » dit-il en respirant vite après avoir couru et en prenant la main de la jeune fille dans les siennes. « Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le gommier est parti. Il n'y a pas d'autre bateau pour nous poursuivre. » Nous pouvons fuir ce soir même si vous êtes brave, et demain nous serons libres, demain matin, Doudou. Ah, Gabriel, dit Yuma, mais il ne voulut pas l'écouter. Il continua à parler si vite, si ardemment, qu'elle n'eut pas la force de l'interrompre. Il lui dit ses espoirs, ses projets. Il avait un peu d'argent et savait ce qu'il voulait faire. Ils achèteraient un peu de terre à la campagne. La campagne était si belle à la Dominique, tout y était très bon marché, et il n'y avait pas de serpents. Il construirait lui-même leur maisonnette et planterait un petit verger. La barque du maître était toute prête pour leur fuite. Le vent et la mer leur étaient favorables. La lune ne se lèverait qu'après minuit. Il n'y avait donc rien à craindre, et dès l'aurore prochaine, il serait libre. Il lui parla de son amour pour elle, de la vie qu'ils mèneraient ensemble, de la liberté telle qu'il se l'imaginait, de leurs enfants qui naîtraient libres, avec une naïve puissance de persuasion et avec une plénitude qui montrait combien longtemps et ardemment il avait nourri ce rêve. Et, pour donner plus de couleur à sa pensée, il se servait de ces étranges mots créoles qui, pareils aux lézards des tropiques, changent de couleur suivant les positions qu'ils occupent. Ce ne fut que lorsqu'il eut dit tout ce qu'il y avait dans son cœur que Yuma put lui répondre, les larmes coulant sur ses joues. « Oh, Gabriel, je ne puis pas partir. Ne me parlez plus, c'est impossible. » Elle s'arrêta, interdite par le soudain changement qui se dessina sur le visage de Gabriel. Il laissa retomber sa main, elle vit dans ses yeux une expression inconnue. Mais il ne la regarda pas. Il se tourna et, croisant les bras, contempla fixement la mer. Doudou, reprit-elle, vous ne m'avez pas laissé parler. J'ai suivi vos conseils, j'y ai réfléchi, j'ai tout pesé. Et plus j'y pensais, plus je sentais que cela ne pouvait pas être. Et vous ne vouliez pas me laisser m'expliquer, répéta-t-elle d'une voix suppliante et en lui touchant légèrement le bras pour attirer son regard. Il ne répondit pas. Il se tenait rigide et sombre comme le rocher noir qui se trouvait derrière lui. Et il regardait toujours vers l'horizon, vers l'endroit où il avait pensé réaliser tous ses espoirs, vers la libre Dominique, aux vallées sans serpents, qui maintenant était invisible, voilée par les vapeurs du crépuscule. Gabriel, insista-t-elle d'une voix caressante, écoutez-moi, Doudou. Ah, vous ne voulez pas partir, dit-il enfin, vous ne voulez pas partir. Et il y avait presque de la menace dans sa voix lorsqu'il tourna la colère de son regard vers elle. Je ne puis, Doudou, reprit-elle avec une douce insistance. Écoutez-moi. Vous savez comme je vous aime. Pas parler ça, pas la peine, répondit Gabriel amèrement. Je vous offre tout ce que j'ai, cela ne vous suffit pas. Je vous offre la chance de devenir libre, avec moi, et vous me dites que vous préférez demeurer une esclave. Oh, Gabriel, sanglota-t-elle, comment pouvez-vous me faire de tels reproches? Vous savez dans votre cœur que je vous aime. Alors vous avez peur de la mer. Non, ce n'est pas cela. Oui, ma fille, je vous croyais brave. Gabriel, s'écria-t-elle alors, d'un accent presque farouche, je n'ai peur de rien, sauf de mal agir. J'ai peur du bon Dieu. Qui bon Dieu est ça? Ricana-t-il. Le bon Dieu des Becquets? Le bon Dieu des Madame Perronnette? Je vous défends de parler ainsi, Gabriel, s'écria-t-elle, les yeux brillants. Ça porte malheur. Il la regarda, surpris du soudain changement de son attitude. Comme pour la première fois, la volonté de Yuma se mesurait contre la sienne. Sa capote est malheur, hontaine, répéta Yuma en rencontrant le regard de Gabriel et en le domptant. Alors il se retourna, boudeur, vers la mer et laissa parler Yuma en écoutant avec impatience son explication passionnée. Peur, elle, combien peu il connaissait son cœur. Mais elle avait oublié à cause de lui ce qu'il était mal d'oublier. Elle avait mal agi d'oser seulement songer à fuir avec lui, d'abandonner la marraine qui l'avait élevée dès son enfance, la maîtresse qui l'avait aimée comme sa fille, et de laisser l'enfant confié à ses soins, l'enfant de Madame Desrivières, l'enfant qui l'aimait tant, qui aurait tant de peine en la perdant qu'elle en mourrait peut-être. Elle avait connu un petit enfant qui était mort de chagrin parce que sa Da était partie. Non, ce serait cruel, ce serait mal de quitter Mayotte ainsi. Et vous voulez me quitter pour un enfant qui n'est même pas le vôtre, Yuma? S'écria Gabriel. Vous parlez comme s'il n'y avait pas d'autre bonne au monde. Il y a des quantités de Da. Oui, il y en a, mais elle ne me ressemble pas, répliqua Yuma. Du moins pour Mayotte. Je lui ai servi de mère depuis la mort de sa vraie maman. Mais il ne s'agit pas seulement de l'enfant, Gabriel. Il s'agit aussi de tout ce que je dois à ceux qui m'ont aimé et qui ont eu confiance en moi depuis tant d'années. Et sa voix retrouva toute son ancienne douceur, tandis qu'elle lui demandait. Doudou, pourriez-vous me croire fidèle et pourtant me voir agir d'une façon ingrate et fausse envers ceux qui se sont montrés si bons pour moi pendant toute ma vie? Bon pour vous, s'écria Gabriel avec une soudaine amertume. Vous les croyez bons parce que par hasard ils ne sont pas méchants? En quoi se sont-ils montrés bons pour vous? Parce qu'ils vous parent de belles robes, parce qu'ils vous donnent une belle jupe, un madras, un collier chou et des bijoux en or? Afin que tout le monde s'écrie, voyez comme madame et monsieur sont généreux pour leur esclave. Mais ils ne vous les donnent même pas, ces objets. Ils vous les prêtent. Ils les pendent sur vous pour la parade. Ces choses ne vous appartiennent pas. Vous n'avez le droit de rien posséder, même pas ce que je vous ai donné. Vous n'êtes qu'une esclave. Devant la loi, vous êtes nue comme un ver. Vous n'avez pas le droit de devenir la femme de l'homme que vous avez choisi. Et si vous étiez mère, vous n'auriez pas le droit de soigner votre enfant, bien que vous donniez la moitié de votre vie et toute votre jeunesse pour élever les enfants des Becquets. Non, Yuma, vous n'avez pas été élevée comme la fille de votre maîtresse. Pourquoi ne vous a-t-on jamais appris ce qu'on apprend aux jeunes filles blanches? Pourquoi ne vous a-t-on pas enseigné à lire et à écrire? Pourquoi vous garde-t-on esclave? Bon pour vous, mais c'était leur intérêt, ma fille. Vous les repayez aujourd'hui, puisque vous demeurez auprès d'eux, lorsque vous pourriez devenir libre avec moi. » Non, non, Doudou, protesta la jeune fille. Vous êtes injuste. Vous ne connaissez pas ma marraine. Vous ne savez pas tout ce qu'elle a été pour moi. Jamais vous ne réussiriez à me faire croire qu'elle n'a pas été bonne et généreuse envers moi. Croyez-vous, Gabriel, que ces gens ne sont bons que par raison? Monsieur Desrivières ne vous a-t-il pas bien traité? Il y a de bons becquets, Yuma. Il y a certains maîtres qui sont moins mauvais que d'autres. Mais il n'y a pas de bons maîtres. Oh, Gabriel et Monsieur Desrivières! Croyez-vous, Yuma, que l'esclavage soit une chose équitable et juste? Elle ne lui répondit pas immédiatement. Son attention avait été attirée vaguement pour la première fois par sa récente déception sur la question morale de l'esclavage. Jadis, ce sujet lui eût paru un de ceux qu'il n'était guère convenable d'examiner de trop près. « Je crois que c'est mal d'être cruel pour les esclaves, » répondit-elle enfin. « Mais Doudou, puisque le bon Dieu l'a arrangé de façon à ce qu'il y ait des maîtres et des esclaves. « Oh, ou trop sotte, ou trop enfant !» s'écria-t-il. Puis il se tut, sentant qu'il était inutile de discuter avec elle, et que ce qu'il appelait sa folie et son enfantillage les séparait bien plus que la volonté d'une maîtresse. L'idée que Yuma se faisait de son devoir envers sa marraine et envers l'enfant semblait se confondre en quelque sorte avec son idée de la religion. La moindre allusion à cette conception provoquait sa colère. Gabriel ne pouvait se l'expliquer autrement que comme une sorte de faiblesse d'esprit due à l'enseignement des becquets. Selon sa propre pensée, l'esclavage était une espèce de duperie où les noirs étaient joués par les blancs. Et c'était simplement parce que les blancs n'avaient pas réussi à le duper qu'ils lui avaient donné une position qui ne nécessitait aucun travail physique et où il se sentait plus libre que les autres nègres. Mais il n'était pas reconnaissant de cela. Il lui semblait que nulle bonté, nulle indulgence possible de la part du maître ne valait que l'esclave sacrifiât à celui-ci, volontairement, sa chance de liberté. Et, bien qu'il possédât réellement une rude intelligence, forte au-dessus de celle de ses camarades, Gabriel avait beaucoup des traits sauvages de sa race, que près de 3 ans de servitude coloniale ne parvenait guère à modifier. Parmi ses traits, il y avait chez lui l'horreur de toute contrainte, raisonnable ou déraisonnable. Le bitaco créole préfère, encore aujourd'hui, la liberté et la faim au bien-être qu'il lui faudrait gagner en louant son travail. De là son refus de travailler pour des gages qui rend nécessaire l'importation des coulisses, alors que le bitaco est capable d'abattre à lui seul la besogne de 3 coulisses. Il peut fournir un prodigieux effort physique. Il portera sur sa tête, pendant 20 000 jusqu'à la ville, un fardeau de légumes qui équivaut à son propre poids, ou 24 breadfruits. Il se fraiera un chemin à travers les forêts jusqu'au sommet des montagnes pour trouver certaines herbes particulières et le palmier chou à vendre au marché. Il accomplira des prouesses extraordinaires afin d'éviter de recevoir des ordres. Il martyrisera son corps dans des efforts herculéens pour échapper à toute contrainte. En Gabriel, cet esprit avait été momentanément adouci par les profits et la petite dignité que lui valait sa fonction, et aussi par l'ambition qu'il nourrissait de s'établir un jour ou l'autre sur sa propre terre, dans un endroit sauvage, et d'y vivre sans dépendre de qui que ce soit. Et la confiance qu'il avait de pouvoir fuir quand bon lui semblerait n'était pas la moindre des raisons qui le rendait si précieux à Anse Marine. Pourtant, en jugeant Yuma d'après lui-même, la raison qu'elle donnait pour motiver son refus lui paraissait une de celles qui lui étaient le plus difficile de discuter, parce qu'il la comparait à ses propres idées sur le surnaturel et la rapprochait de certaines sombres superstitions dont il connaissait le pouvoir extraordinaire. Grâce au bon cœur de Yuma, les béquets avaient su prendre un empire sur son esprit, et Gabrielle, considérée comme enfantine et insensée, toute tendresse de cœur qui ne s'adressait pas à lui et à lui seul. Un proverbe nègre dit « C'est bon qu'écrabe qui la cause, y pas ni tête ». C'est à cause de son bon cœur que le crabe n'a pas de tête. Pourtant Gabriel lui-même avait un cœur rude, et ce cœur fut touché à la vue des larmes que Yuma versait et qui étaient dues à sa colère et à ses reproches. Il l'aimait infiniment à sa manière, et toute sa ténacité de volonté s'opposa à l'idée de la perdre. Yuma avait refusé de le suivre, et il connaissait le caractère résolu de la capresse. Cependant, avec le temps, il trouverait peut-être un autre moyen de faire d'elle sa femme. Cela pouvait dépendre beaucoup d'elle-même, de l'influence qu'elle pouvait avoir sur sa maîtresse. Pourtant, il se fiait plus à la possibilité d'un changement social. Et bien qu'à Yuma, il eût dépeint un avenir sans espoir, en son fort intérieur, il était loin de le croire si désespéré. Des échos des discours et des travaux des philanthropes étaient parvenus jusqu'à lui. Il savait comment et pourquoi les esclaves anglais avaient reçu leur liberté. Et il savait aussi autre chose dont il ne pouvait parler, même à voix basse, à Yuma. D'une plantation à une autre, un message secret avait été transmis, formulé en langue africaine et destiné seulement aux oreilles de ceux qu'on avait choisis pour le leur confier et qui étaient connus pour leur intrépidité. Et déjà, même dans les vallées les plus éloignées de la colonie, les cœurs avaient été étrangement émus en sentant souffler le vent puissant de l'émancipation. « Doudou moi, supplia-t-il tout à coup, avec un accent d'une tendresse qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Pas plairé comme ça, chez non !» Elle sentit qu'il l'attirait à lui en une caresse pleine de remords. « Ce n'était pas contre vous, mon petit cœur, que j'étais fâché, reprit-il. « Écoutez, il y a des choses que vous ignorez, enfant. Mais je vous crois, vous agissez selon ce que vous croyez le bien. Pas plairez, non, tibijou le moins. Écoutez, puisque vous refusez de partir, je ne partirai pas non plus. Je resterai ici, à Anse Marine. Pas plairez, doudou. » Elle sanglota quelques instants encore, serrée contre lui, et puis elle murmura « Je serai beaucoup plus heureuse, doudou, de savoir que vous ne partez pas. Mais ce n'est guère le moment de se fâcher, alors qu'il faut nous dire adieu pour toujours. Ah, ma petite guêpe, est-ce que vous leur laisserez-vous choisir un autre mari lorsqu'ils vous auront près d'eux à Saint-Pierre » demanda-t-il avec un sourire confiant. « Gabriel !» s'écria-t-elle alors passionnément. « Ils ne pourront jamais faire cela. S'ils ne veulent pas me donner à vous, je resterai toujours comme je suis. Non, ils ne feront pas cela. Bon, liquez-moi. Alors ce n'est pas adieu pour toujours. Attendez. » Elle leva la tête vers lui, le regard étonné. Mais au même moment, Mayotte, lasse de jouer avec sa noix de coco, aperçut Gabriel causant avec Yuma, et elle courut vers eux en criant « Gabou, Gabou !» et s'accrocha joyeusement aux genoux du commandeur. « Non, va jouer encore un peu, » dit Yuma. « Gabou est trop fatigué pour être tiraillé comme ça. »« C'est vrai, Gabou ?» dit Mayotte en jetant sa petite tête en arrière afin de regarder le visage de Gabriel. Et, sans attendre sa réponse, elle se mit à lui dire « Oh, Gabou, nous retournons demain à la ville avec Papout !»« Il le sait, » reprit Yuma. « Allons, va jouer. » « Mais je suis fatiguée, Da !» protesta-t-elle, mécontente, en s'accrochant toujours aux genoux de Gabriel, espérant qu'il la ferait sauter dans ses bras. « Point moins » supplia-t-elle. « Prends-moi !»« Pauvre Pitty, malgré ça !» s'écria Gabriel en l'élevant au niveau de son grand visage de bronze. « Tu te moques bien de quitter Gabou et tous tes chers amis dans ce marine. Pièce, pièce, Pitty méchante, tu n'aimes pas Gabou. » « Mais si, » murmura Mayotte en caressant ses joues sombres. « Je t'aime bien, Gabou. » « Allez, t'y souiller. Tu aimes Gabou parce qu'il joue avec toi, c'est tout. Et Gabou n'a plus le temps de jouer. Gabou doit aller voir ce que tout le monde fait avant qu'il ne soit l'heure de sonner le Konebambi. Bon, adieu, cocotte. » Il la mit dans les bras de sa bonne et il embrassa aussi Yuma, mais sur le front seulement, comme il avait vu faire Monsieur Desrivières, à cause de l'enfant. « Adieu, Tiquet, » lui dit-il. « Pour toujours, » murmura-t-elle d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine, et en luttant vainement contre l'émotion qui l'étranglait. « Pour toujours ?»« Ah non, ché !» répondit-il en souriant pour lui donner du courage. « Mon paquet encontré, moun qu'encontré toujours !» Les mornes ne se rencontrent pas, les gens se rencontrent toujours.